promets, je vous promets, je vous fais une promesse. Sans mon SS. Qui c'est qui aime bien dire couille? Qui c'est qui aime bien l'embrouille avec la justice? Réceptacle à vis. Qui c'est qui reste puéril? Qui n'a que des propos stériles? Mais une grosse paire de couilles qui rend sa femme fertile. Elle qui dans son ventre est en train de construire un petit moi. Et encore moi. La justice derrière son bruit, mon ego sur l'immense. Mais je fais des efforts, c'est pas facile. Je fais des efforts, je vous promets. J'espère juste que ma descendance, vu tout ce que je me suis descendu, ne sera pas complètement débile. Ne sera pas comme un Playmobil avec des pieds tout carrés, une tête amovible, un visage figé et une casquette en plastique. Comme moi. J'espère qu'il aura un nombril, un égo surdimensionné, qu'il ne fera que des efforts faciles. Il fera ça, je vous le promets. Je vous le promets, je vous le promets, tout le monde promet. Je vous fais la promesse qu'il vous montrera ses fesses. Comme moi, et encore moi. Comme moi et mon putain de nombril, mon égo surdimensionné. Je fais des efforts, c'est pas facile, je fais des efforts.